La vie des cinq champignons de la Madame Gibou. Madame Gibou, on dit souvent que ces cinq champignons-là, contrairement à la croyance populaire, les cinq champignons sont pas de la même couleur, là. Il y en a un avec des picots. Pico, il y avait pas un genre de jeu électronique Oui, qui s'appelait Pico. Pico, qu'il y avait Ouais. un chien, une pomme dans un... Une pomme dans un verre. Une pomme dans un verre, à quoi tu joues, hein? Un verre de terre dans une pomme. Il y avait, tu sais, c'était un truc éducatif, puis il y avait des trucs de couleurs, puis il y avait-tu un truc de pompier où j'hallucine. Il y avait un show télé de ça aussi. Mais il me semble que ça s'appelait pas Pico. Ah, les grandes questions de même dès le début, hein. Ouais, ça Bien. commence fort. Bienvenue au Sorbet du caractère mou, le podcast préféré des Francis. Ouais, live du matin. On est le matin. On est le matin, genre, on n'est pas des humains, on est le matin. C'est nous, le matin, c'est nous. Je Non, suis mais l'aube. on est lundi matin, puis tu sais, d'habitude, on sort les épisodes le mardi matin-ish, du moins le mardi. Puis c'est drôle parce que là, on se rapproche tout le temps de la date de sortie. Tu sais, d'habitude, notre heure habituelle, c'est le vendredi soir. Puis là, ça fait une couple de soirs qu'on fait des dimanches. Puis là, c'est un lundi matin, parce qu'on sait aujourd'hui, c'est congé. Mais ça veut dire que d'après moi, dans une couple de semaines, on va sortir l'épisode avant même de l'enregistrer. Je pense aussi. Mais ouais, je disais le podcast des Francis parce que y a, dans les personnes qui écoutent le podcast, à date, j'en sais deux. Puis il y a mon collègue avec qui je travaille qui s'appelle Francis, qui l'écoute de temps en temps. Puis on a reçu notre premier email la semaine passée. Quelqu'un est allé sur notre site, il est allé dans la section contact et a utilisé le form. Puis à ma grande surprise, le form fonctionne. Fait que, mais un email de Francis, là, je m'excuse si tu voulais pas être nommé, mais là, au pire, dit que c'est un autre Francis, là, qui dit en gros, hey les gars, vous êtes crissement drôle, je m'attendais tellement à rien en écoutant mon premier épisode de votre podcast, puis wow, c'est hot, trois petits points, je vais continuer à vous suivre, cheers. Fait que, Merci. c'est ça, pour vrai, gros merci si c'est vrai, puis si c'est pas vrai, ben écoute, au moins ça va être, Ok. c'est l'équivalent, tu sais, être enregistré dans le podcast, c'est l'équivalent d'être laminé. Ouais. Fait Mais en que même temps, si c'est pas vrai, c'est genre pourquoi t'écris ça? Ça, c'est même pas drôle. non c'est ça C'est pas non méchant. c'est ça tu disais mais C'est ouais juste gentil. c'est sûrement vrai parce que si tu voulais niaiser t'aurais été plus original que juste ah oh, je vais aller tu sais je vais être gentil C'est tu plaisir! sais il est chez eux puis il se frotte les mains comme ah oh, si il pense que C'est c'est vrai là puis c'est tellement pas Non, mais c'est vrai. peut-être ça, genre, peut-être que la personne est juste comme, ah, moi je sais que c'est pas vrai, je lis ça. Ouais, Mais mais ça veut c'est-tu dire, si drôle que ça? en plus, si elle sait, c'est genre, elle écoute l'autre d'après, juste pour s'écouter, là. Ah, C'est man. bizarre, ouais. Aïe, aïe. Psychopathe. Psychopathe. Genre, la personne est comme, je voulais juste dire que j'aimais ça. Non, mais pour vrai, un gros merci. Puis merci à d'autres mondes qui pourraient être en train d'écouter présentement. Puis de décider de passer peut-être la prochaine heure à nous entendre dire toutes sortes de niaiseries. C'est cool. Mais c'est plate parce que c'est pas mal la fin de ce qu'on avait cette semaine. Bye. Ouais, bye. Ça fait comme 15 fois qu'on fait ce joke-là. Ouais, c'est Ça fait même pas 12 podcasts, puis on l'a fait 15 fois. un podcast. Podcast bien optimiste. Ouais, c'est. Ben, l'été, là, l'été, là. L'été est commencé. Ouais. Ah! Non, Hey, ok. Hey, parlant de malaise. on est le matin et aussi l'été. Ouais. Mais ouais, non, la semaine passée, je sais toujours pas quoi penser de cet épisode-là. Une tête plate. Parce que mon opinion de cet épisode-là change à toutes les heures, je pense. Je sais pas, ok. Tu passes plus de temps à penser à l'épisode 11 que moi. Ouais, non, je pense que oui, là, mais c'est moi qui ai aussi dit là-dessus. Mais tu sais, moi dans ma tête, j'ai l'impression qu'on se forçait trop, mais aussi qu'on se forçait pas assez. Ouais, Fait que ben, il était trop centré sur moi puis ma couverte. pour rappeler, c'est ton setup la semaine passée, t'avais une couverte sur ta tête Ouais, pour couper pour l'écho. couper les coups. Là, on comprend très bien présentement que t'as pas ta couverte sur ta tête. Non, il fait ben trop chaud. Donc, Chris, ouais, je sais. J'ai pas osé ouvrir la fenêtre ici pour pas avoir le bruit de mes voisins qui chialent le Ouais, moi matin. aussi, j'ai fermé la fenêtre. Mais ouais, j'ai l'impression que dans une vingtaine de minutes, je vais avoir chaud du tabarnak. Ouais. T'as-tu joué à quoi cette semaine? Hey, attends un peu. Ben, qu'un. Hier, j'ai joué à Mario Tennis au 64. Nice. Ouais. Puis? J'ai pas joué longtemps. Ah. J'ai fini Mushroom Cup avec Mario, puis j'ai fini le Flower Cup avec Mario, puis là, j'allais commencer le Star Cup avec Mario, puis j'ai arrêté de jouer. Ok, c'était joué quand même... C'est pas 10 minutes une cup? C'est pas tant long, parce que les deux premiers matchs, c'est genre un set, puis je pense que c'est deux sets. Ok. Le troisième, non. Non, dans Mario Tennis, là, ce qui est long, c'est celui au Game Boy, là. C'est horrible, les matchs, comment sont longs, hein. Moi, c'est le truc qui fait que j'ai souvent de la misère dans les jeux de sport, là, c'est le temps d'une game. Ouais. Genre, Super Mega Baseball, je l'ai acheté finalement hier. Là, je jouais une game, c'est comme après une game, il peut en jouer une autre. Là. C'est genre un bon 20-25 minutes, une game quasiment. Ok, t'as pas d'option d'avoir des games plus petites? Pas si tu fais la saison. Puis la saison, c'est genre tu montes de. Mais j'ai encore le goût de jouer, là, parce que c'est genre tu montes de niveau. À chaque fin de match, tes bonhommes montent de niveau. Tu peux les customiser, tu peux genre engager du monde, des coachs, je pense qu'ils appellent. T'as des contrats, genre, qui montrent les stats de tous tes bonhommes. Ok. Il y a vraiment plein de trucs comme ça, puis le gameplay est vraiment nice. Mais c'est long, un match, là. 9 innings. Là, il est dans la flash sale sur PS4, ouais. Mais es-tu, ouais, es-tu sur PC puis sur Xbox aussi? Ouais. Ok. Oui, mais ce PC est comme à 20$. J'ai pas tant regardé. Ça file-tu un peu comme les vieux jeux de baseball sur NES? C'est plus arcade, moins... Ouais. Ok. Ben, c'est arcade, mais en même temps... Chaque partie des mini-jeux, c'est pas genre je space sur le piton au bon moment, c'est genre, il y a plein de plus de subtilités, là, genre mettons quand tu frappes, quand t'es au bâton, c'est genre, tu peux faire un genre power shot, là, je sais plus comment ils appellent ça, là. C'est ceux qui te permettent de faire des home runs, mais c'est genre, faut que tu tiennes un piton carré, puis en gros, c'est que ça monte, tu sais, ça fait de 0 à 100 puis de 100 à 0. C'est que c'est comme, oui, ou... Ouais, un peu comme les jeux de golf, là. Ouais, sauf que lui, tu sais pas quand la balle arrive, parce que aussi le pitcher, il peut te l'envoyer plus vite ou plus lentement. Okay. Puis, tu sais pas exactement où la balle va arriver, fait que des fois, genre, faut pas que tu lâches ton piton pour l'envoyer, des trucs comme ça. Il y a comme une petite subtilité de plus. Ok. À chacun des mini-jeux, c'est vraiment le fun. Genre, même lancer la balle, c'est quand même cool. C'est quoi l'équivalent du mini-jeu pour la balle? En gros, c'est tu choisis ton type de lancer, c'est la balle où elle passe, ou une flèche vers où ça s'en va. Quand tu lances, c'est t'as comme un petit cercle à quelque part, puis t'as une réticule qui bouge, puis genre faut que tu payes sur le piton quand tu veux l'arrêter. Okay. La réticule, c'est où ta balle va finir. Okay. Fait que des fois, tu peux même rater, mais ça l'envoie quand même dans le carré où la balle est bonne, fait que ça fait un strike pareil, puis des trucs comme ça. Tu peux jouer avec ça aussi, genre. Ok, ouais, c'est pas ultra précis que si tu... Non, c'est ça. Si tu le payes pas exactement à ce moment-là, que... Non, c'est là, ça. La balle, elle est pas bonne. Ouais, non, c'est ça. Ça serait ridicule. Ouais, c'est toutes des petites affaires comme ça, puis de... genre, un peu flou, ce qui fait que tu sais jamais à 100% si tu vas l'avoir ou non, fait que c'est quand même bien fait. Ah, hein. Oh, nice. Ouais, à part qu'il est lettre. Hein. Qui risque les bonhommes? Oh, t'as-tu vu? On dirait genre des bébés avec des faces d'humains. J'ai regardé le live, là, parce que j'ai même pas vu. Ah, sont laids, mais c'est vraiment le fun. Ah, ouais, qui ont comme des gros mentons, puis ils ont des gigantesques têtes, puis genre son baquet. Ben. Mais il y a un démo que tu peux essayer, c'est un trial, t'as tout le jeu pendant genre... T'es sûr que c'est parce que t'as pas mis on DK mode dans les cheats? Quand tu frappes la base, tu sens paintball? Non. Peut-être que je me trompe de jeu aussi. Peut-être, ça se peut, ça. Mm. C'est ton style, ça. J'ai passé vraiment proche de m'acheter le nouveau Doom cette semaine. Ah, oh, mais moi aussi. Finalement, j'ai acheté pour 80$ de short. Nice. J'avais besoin de short, fait coudonc. C'est pas cette semaine que je vais jouer à Doom. Là. Ouais, moi non plus. Je payais mes shorts, j'étais là, comme... C'est exactement le prix de Doom, ça. Tabarnak. Ouais. Mais j'ai acheté des... Non, j'ai acheté du petit cossinage cette semaine. Je sais plus si le prix, finalement, il y avait... tu sais, le pack de Amiibo avec KK Slider, les bandes d'Animal Crossing, puis les deux... les dudes du recyclage, là. Mm. Les dudes. Mais il y a une fille aussi, mais... Ouais, il était... Je sais pas combien que ça se vend, ça. 44, peut-être, au Canada. Il était... Je sais pas si c'était une liquidation, mais sur Amazon, il était 15$ pour le pack de 3. Ouais. Fait que, ok, tu sais, il y a une partie de moi qui est comme vraiment pute à Amiibo, mais qui veut pas payer plein prix. Ouais. Fait que quand je vois des rabais, c'est comme, ok. Ouais, c'est surtout en plus, il y a KK Slider. Mais c'est ça, fucking KK Slider. Là, je vais mettre un extrait de chanson. Ah, Chris, ça rentre. Hein? Aïe, aïe. Je devrais-tu en mettre un autre? Tout ça dans un jeu vidéo. Ça n'a pas de bon sens. Je pensais que c'était la vraie vie. Ouais, KK Slider, Metallica, même combat. C'est pareil. Ben, ok. Mais sinon, ouais, à part de ça, je me semble que j'ai acheté, ouais, dans le flash sale, c'est quoi, c'est Jack Party Box, ça s'appelle? Ouais. Ben, j'avais joué au premier avec Sarah une couple de fois, pis c'est quand même vraiment le fun. Tu sais, tu joues avec ton téléphone, pis tu peux jouer à, je sais pas combien, mais plus que 8, je pense, pis tu fais juste te loguer sur le site, pis c'est comme des quiz, pis des trucs comme ça, pis c'est quand même vraiment tight, pis vraiment le fun, bien fait, là. Ce serait des trucs en groupe que on a toujours voulu l'essayer avec plusieurs personnes, finalement, on l'essaye tout le temps juste à deux, parce qu'on y pense jamais. Je l'ai pris jusqu'à 5$, je me suis dit, oh, au pire, ça sera en banque, puis un moment donné, si ça arrive, qu'on arrête d'être sauvage, puis qu'on invite du monde chez nous, on fera comme, hey, it's Jack Party Box, hein? Puis là, les gens vont partir, claque la main. Puis, ouais, le Killzone, qui était 5$ aussi. Je l'ai pas pris, non. C'est clair que je jouerai pas, là. Je suis curieux, par exemple, mais pas assez curieux pour parce que là, ma PS4 est comme pleine. J'ai pas envie d'aller fouiller pour savoir qu'est-ce que j'enlève pour mettre fucking Killzone. Puis Killzone, on dirait que ça sonne comme un jeu qui doit prendre 45 gigs. Ouais, je sais pas, c'était dans les launch titles. Mais ben ouais, à part de ça, non, pour faire grand-chose de niveau jeu vidéo, du moins, j'ai essayé d'installer... je l'ai fait, là. J'ai mis Doom sur mon téléphone mobile. Je voulais jouer, puis finalement, ça a fait... on s'entend le Doom 1, là. Pas le nouveau Doom, là. Chris, qu'est-ce que t'as comme ça? Tu sais qu'on appelle ça un portable. Mais ouais, non, les contrôles tactiles, c'est trop de la merde. Fait que j'ai pas joué finalement. Je me suis dit, c'est quand même un FPS simplet. Ben, pas simplet, mais dans son approche, je sais pas. T'as pas 15 pitons autour, puis. Non, c'est ça. Mais ça se contrôle pas super. Peut-être ça se tweak, mais. Fait que je jouerais pas à Doom sur mon téléphone. Mais ça conclut pas mal ma semaine de jeux vidéo. Je suis pas de ton bord. J'ai joué à Dark Souls. Parce que j'ai fini Bloodborne, fait que là, j'ai switché à Dark Souls. Mm-hmm. Il est quand même pas si bien vieilli. Ok, à ce point-là? Ben, tu sais, c'est PlayStation 3, là. Puis Xbox. Non, Xbox 360. Non, je pensais que tu jouais à l'ordi. Oui, oui, non, mais dans le sens de la génération. Ah, ok, la génération, ouais. Ouais. Fait que tu sais, ça a un peu plus mal vieilli, puis les animes, c'est pas pareil pantoute. Je me suis habitué à Bloodborne que avec plein de... plus de subtilité un peu partout, là. Puis là, dans Dark Souls 1, c'est stiff en crise. Parce que le côté visuel, il y a des trucs qui marchent plus très bien. Il y a des textures de bois pis de sol. Mais sinon, il y a vraiment le fun. T'avais-tu joué à Demon's Souls? Oui. Non, je pense que j'ai battu genre un boss dans Demon's Souls. Ouais. Un autobus, là? Ouais, c'est ça, exact. Ouais, ok, je me suis pas rendu à l'autobus. Non. Quand non. Les étudiants ils sortent de l'autobus, là, t'es entouré pas mal. Oui. Les mobs. Il y a trop de mobs. Je pense que c'est l'heure d'aller se rechercher un café. Pour moi, mob, ça sonne genre bonhomme mafieux. Ben, je sais pas. Attends, avant le café, là, on va s'instruire un petit peu. Define mob. Mob, a large crowd of people, especially one that is disorderly and causing trouble or violence. Ouais, attends, on va aller voir dans Urban Dictionary. Ouais. Ah, ça veut dire money over bitches. D'habitude, ils sont on point, finalement, ils sont pas tant. Italian organized crime. Je me demande comment ça a fait le switch entre mafia italienne à ennemi dans un jeu. Ça a sûrement un lien, là. Tu sais, c'est pas juste. Parce que moi, la première fois que j'avais vu ça, c'était dans Minecraft. Je sais pas si ça a rapport avec ça, puis là, les autres ont suivi, mais non, sûrement non, pas. Non, ça date d'avant. Dans WoW. Ah, il y a une page Wikipédia mob video gaming. Mob mobile ou monster. Ce qui est mob vient de mobile, qui est bonhomme qui bouge de lui-même. Ouais. Ah. Ben, on pourra pas dire qu'on apprend pas des affaires dans ce podcast-là. Ben, ok, on les apprend autant que vous. Je vous mets au défi de nous dire ça, qu'on vous apprend pas des choses. Caractermove.com, contact. Bref, ouais, un café. Ouais. Le mien est même pas vide, mais je vais le remplir pareil. Pas. Cool. Un réchaud. I'm back. On va aller essayer de trouver des blagues drôles. La maîtresse demande, Toto, cite-moi au moins 5 choses qui contiennent du lait, du beurre, du fromage et 3 vaches. Wow. C'est 2 otaries qui se racontent des blagues. Une des deux rigole et l'autre dit, oh, tari. Oh, en plus avec de la belle grammaire. C'est l'histoire d'une bébé nuage qui se promène avec sa maman nuage. Tout à coup, le bébé nuage se tortille et dit: Maman, j'ai envie de faire pluie. On leur max pape. Qu'est-ce qu'on fait aux voleurs de salade? On les tue. La question de la semaine, qu'est-ce qu'on fait au volant d'une salade? Ce que t'as dit, c'est ça, j'ai compris de loin. Ah non, c'est un secret, tu réécouteras. Ok. T'as-tu d'autres secrets cette semaine pour nous autres? La sauce. Parfait, cette semaine, on parle du film Le secret dans la sauce. Parlant de film, hier j'ai écouté The Ouais? Witch. T'as-tu vu un peu c'était quoi? Pour vrai, là, non. Tout ce que j'ai vu, c'était un thread sur un forum qui disait comme The Witch est le meilleur film d'horreur depuis un bout. Mais Mais j'ai pas lu si c'était sarcastique ou rien, mais je sais même pas rien du film. d'horreur, je trouve que c'était plus dramatique qu'horreur. J'ai peut-être mal vu aussi. Non. C'est écrit horreur partout. Ok. Mais c'est parce que c'est comme une famille en 1600 qui ont comme leur petite ferme sur le bord d'une forêt. Puis, ils sont hyper religieux, fait ils ont tout le temps peur de comme que Dieu les punisse, trucs comme ça. C'est comme surtout là-dessus l'horreur, là, le fait qu'ils se retournent tout le temps sur la religion, qu'ils sont super fermés, puis que aussitôt qu'il se passe de quoi d'un peu louche, c'est genre la faute de Dieu ou d'une sorcière ou des trucs Comme une horreur que c'est un peu eux autres qui inventent ou c'est comme c'est dans la tête là, un peu ou Non. non Au final, non. Au début, je pensais que oui, parce que je pensais que c'est genre un peu dans ce temps-là qui. Comme les sorcières de Salem, c'est à cause de ça, c'est genre Ergo. ah le film avec Ben Affleck. Ouais. Ergo, c'est genre un champignon qui pousse sur le blé ou sur d'autres. Sur le seigle aussi, des trucs comme ça, puis ça rend fou, là, en gros. Ok. Ça fait, je pense que c'est. Ouais, tu peux perdre des membres. Faire plein d'affaires. Bref, ça fait faire des symptômes fucking whack. Ok. Puis je pensais que c'était ça, mais non, finalement non. C'est des sorcières. Mais c'est comme lourd un peu comme film, mais c'était quand même. C'est quand même bien fait, là. C'est nice. Mais faut pas que tu t'attendes comme à un film d'horreur comme cliché, quoi que ce soit, là. Ou que c'est juste du sang puis des trucs comme ça. C'est pas ça. C'est encore au cinéma, ça, ou c'est... Je pense qu'il est sorti en Blu-ray. Ok. Donc, sorti sur... Sur les certaines baies de pirates. Non, sur iTunes. Ah, oui! C'est vrai. Hey, je les loue, moi, mes films. Ah, je lirais pas des films sur iTunes. J'ai même pas... J'achèterais pas un Apple TV juste pour écouter des hosties de films loués sur iTunes. T'es écoutes comment? Pour le fun? Hey, C'est quoi... je loue pas sur iTunes, je loue sur quelque chose d'autre. Ça sera pas avec ton truc de Belle? C'est vrai. Belle, ton taux de satisfaction avec Belle sur 100? C'est du gros cacamou. Comment ça, il s'est-tu passé des choses? Hey non, mais c'est ça revient au même, c'est ça à chaque fois. Il y a toujours des frais de plus. Comme il y avait. J'avais appelé parce que il avait changé mon internet. J'avais genre, c'était rendu que j'avais comme 100 Go de download au lieu de 200, 350. Puis ça, il me l'avait pas dit que ça allait changer. Fait que j'avais appelé, puis après du fuckoyage, j'avais. Genre, il m'avait donné un rabais pour avoir download illimité, gratuit pendant 1 an. Fait que là, c'était cool. Fait que là, je check tantôt, ça me coûte 10$ de plus, puis là, c'est parce que, genre, là, je les contacte, parce que je sais pas c'est quoi. Puis là, elle me dit, ben, c'est parce que le rabais que t'avais sur Internet avant, il a été enlevé parce que tu peux pas avoir 2 rabais sur le même service. Fait, genre, Chris, vous m'avez donné le rabais parce que, genre, mon Internet avait changé, puis que c'était pas ce que je voulais. Mais c'est pas un rabais, si, ça me rajoute 10$. Là, je comprends pas. Puis ils me l'ont même pas dit, genre. C'est toujours ça, man. Donne un plus gros rabais, ça va compter pour un. Ouais, c'est ça. C'est pas, c'est drôle comment que c'est pas, c'est tellement du cas par cas. Là. On dirait que Ouais. chaque personne, avec peu importe laquelle compagnie qui fait affaire, il y a toujours une affaire précise que c'est jamais la même chose qu'avec n'importe qui. Ouais. C'est jamais les mêmes histoires de rabais ou de focaillage ou de frais ou de trucs qui déconnectent puis de services de merde. Ouais, mais j'ai l'impression que Bell, c'est souvent ça, les frais, genre. Il me Ouais. semble, c'est genre, je suis pas la seule personne à qui c'est arrivé. Non, c'est sûr que non, c'est pas un cas isolé, mais je veux dire, dans le sens, c'est drôle à quel point que ça arrive tellement souvent que Ouais. chaque cas est pas pareil, là. Ouais. Parce que, tu sais, comme, là, j'étais avec Vidéotron, j'avais chialé il y a 2 ans, Puis il m'avait donné un rabais de quand même un bon rabais, mais justement pendant 2 ans. Puis dans le fond, je l'ai plus là, dans les 2 derniers mois. Faudrait que je rappelle pour voir si je peux pas changer mon forfait pour d'autres choses. Ouais. Mais comme dans ce 2 ans-là, j'ai vraiment jamais eu de problème. Mais tu sais, ça va-tu être le cas pour tout le monde? Je pense pas. Fait que je dirais pas comme, oh, ben, va chez Vidéotron, y a pas de problème. Comme, ben, non, pour vrai, tu vas en avoir aussi. Sûrement. Je sais pas. De mon expérience pis du monde que je connais, genre Vidéotron, ils ont pas ces problèmes-là de facture pis de. Okay. Comme de frais, comme cachés, des trucs comme ça. Ben, le service est plus stable pis il y a aussi que leur. Le service à clientèle est tout ici pis c'est moins échelonné, je pense. Ça, c'est encore vrai? Moi, je sais pas. Je sais pas. Mais je sais que Bell, c'est long. Genre, c'est comme au début, ils te font passer les longs questionnaires de. Genre, de questions de base. Genre, hey, ton modem est-tu branché? Qu'est-ce que tu penses? Tu peux pas faire 0? Non, c'est une vraie personne qui te parle. Ah, pour vrai? C'est un peu bête, tu sais. Ben oui. Ah, tabarnak. Je pensais que c'était comme une voix robotique. Est-ce que votre modem est branché? Boop, boop! Est-ce que votre modem est branché? Monsieur, boop, boop! Je fais 0 pis ça s'en va pas! Je sais pas si tu peux juste répondre, Chris, j'ai pas 60 ans! Ouais, c'est ça! Puis il fait comme, ah, oh, ok, excuse, on va transférer à pas le service de l'âge, genre. Ouais, c'est ça. Ils sont comme, ah, oh, attends, on va transférer, je le sais! Calice. Non, ouais. J'appelle ma facture, ouais, parce que votre modem est bien branché. Tu me niaises-tu, ouais, Calice? Ah, ouais, pis aussi, faut que tu. C'est comme la dernière fois, c'est une madame. Elle comprenait pas trop ce que je disais, genre. Ben, ou elle avait pas l'air de comprendre ce que je disais. Ou elle voulait pas. Ouais, c'est ça aussi. Pis genre, il a fallu que je dise que je me désabonnais, genre, pour qu'il me monte à quelqu'un de plus haut, là. Mais ça, c'est pas, je me désabonne, ça se dit pareil dans toutes les langues. C'est pour ça, ça fait non, elle avait pas, elle avait pas de misère au français, c'était plus comme, fallait qu'elle suive son guide, sinon elle comprend pas, genre. Ok, t'étais pas rendu. Tu suivais pas sa feuille, là. Ouais, c'est ça. Aïe, aïe. Je sais pas, c'était bizarre. Mais, ben, c'était pas bizarre. Tu vois, tu sais, c'est pas pour. Dans le sens, c'est pas pour rien que c'est elle qui répond en premier. J'imagine, elle commence ou. Non, c'est ça. Puis, veut pas. Si c'est de même, à quelque part, c'est parce que ça filtre en tabarnak, là. C'est sûr qu'il y a un paquet de monde qui se rend à elle, qui lise la liste, puis que ça fonctionne. Ouais, puis, de toute manière, ils sont obligés de faire ça. C'est pas comme si. Je pense, même si elle voulait pas suivre sa liste, elle peut pas. Ouais. C'est enregistré, puis tout aussi. C'est drôle, hein, ça c'est enregistré, mais si tu demandes à faire que ouais, dans l'autre appel, ils m'ont dit telle affaire, ils iront jamais checker ça. Mais c'est pour ça que j'ai vu en clavardage, je peux sauvegarder les trucs. Ah. Oh. Ouais. J'avais toute j'avais justement la longue conversation qui dit que genre j'étais comme ok, là tous les frais, c'est telle affaire. Puis là, finalement, j'ouvre mon truc, bon, pourquoi mon internet est rendu à 100 gigs au lieu de 300? Chris. Je sais pas si c'est légal d'enregistrer la conversation, de mettons audio. Quand ils t'avertissent avant, oui, je pense. Ouais, mais ils nous avertissent, mais mettons nous autres. Mettons moi j'enregistre la conversation. Je pense pas. Si eux m'avertissent puis m'enregistrent, pourquoi moi je pourrais pas? Ben, Je peux-tu l'avertir? Je pense que oui. Peux-tu dire à madame, ah, by the way, madame, j'enregistre la conversation? Je pense que oui. Non. Ben, c'est ça, elle voudra pas m'avoir accroché. Service de merde. Moi aussi, je vais avoir mon archive. Moi, c'est plus facile de chercher mon fichier WAVE sur mon bureau que de te demander. Puis-tu aller essayer de sortir ça dans votre. Parce que, tu sais, ils faisaient des coups de téléphone avant. À la radio, des fois, c'était-tu 100% stagé ou ben c'était pour vrai des coups de téléphone? C'était vrai. J'imagine. Parce que ça, ils avertissent pas avant. Ouais, mais là, on s'entend, ils appellent des personnes puis des petites compagnies. Je sais pas si, si t'enregistres. Si t'enregistres une conversation avec une grosse compagnie comme ça, ils ont-tu plus de recours ou ils sont plus enclins à agir parce qu'ils connaissent un peu la game? Ouais. Mais je pense pas que t'aies plus ou moins le droit entre les deux. Là. Dans le sens, les droits, je pense que c'est la même chose pour les deux, mais j'avoue qu'il y en a un des deux qui va peut-être être plus enclin à dire non ou à t'empêcher. Je pense que j'ai jamais dit le mot enclin de ma vie. Puis j'espère que je l'ai bien utilisé parce que je suis pas sûr, là. Ben oui, c'est genre qui a un penchant vers. Ah, ok. Ah. Comme incliné. Je pense pas que ça vienne de la même place. Mettons ma bibliothèque avec Roche. Je veux dire, est enclin. Ok, c'est bon. Est enclin à tomber. Attends, on va voir la définition enclin. Comment ça s'écrit, hein? Ah oui, c'est bon. Comme ça se dit. C'est. Qui est porté naturellement à quelque chose. Qui est prédisposé à quelque chose. C'est pas mal ça. Ah, ok. C'est ce que je pensais. Hey, aujourd'hui, on est en feu, en frais d'apprendre des choses. Et dans... Veux-tu des synonymes? Disposé, prédisposé. Contraire, hey, fermé, rebelle, réfractaire. Rebelle? Ouais. Non, mais... ouais. Tu vas-tu utiliser comme rebelle dans une phrase comme que tu utiliseras en clin, là? Ouais, non. La compagnie, elle serait plus rebelle dans le ouais, c'est pas... ça. Ok. C'est comme, y a-tu un cuisinier enclin? Ouais. Y a un cuisinier rebelle? Oh! Il est enclin à faire du beau manger! Tu sais, c'est cuisinier rebelle. Cuisinier rebelle, il est pas tant rebelle que ça tant qu'il chie pas dans la bouffe, on s'entend, là. Ah non, mais il est rebelle, il a la vibe, mon oncle Éric Lapointe, là. C'est comme, j'ai des tatous! Ouais, c'est du monde rock'n'roll. Genre, j'ai pas ça. Ok, c'est ça, genre... rebelle-là. C'est le Mario Benjamin des cuisiniers, un peu. Non, mais ouais, mais ça file de même, ça, dans ma tête. C'est genre, ah, je suis tellement rock'n'roll, là. Ah, arrête, ça veut rien dire. Ah, là, j'ai rien contre le gars, là. Cuisinier rebelle, je sais même non, pas non, ce qu'il fait. Genre, ça bouffe, il me semble, ben, j'ai pas écouté souvent, mais à chaque fois que j'ai écouté, ça a l'air bon, hein, Chris. Ouais. C'est pas ça, là. C'est plus la vibe. Oh, ouais, je suis cool. C'est-tu meilleur que la bouffe que le gars de Radio Enfer, François Chénier, il faisait avec Ariel Rebelle Nussin? Ah, oh, mais non. ça doit plus exister. C'était sur Vimeo. Je sais même pas sur quoi c'était. Mm-hmm. Mais genre... C'est sur Vimeo, j'allais dire que... j'allais dire que sur YouTube, tu peux pas avoir de sein, mais il y a des vidéos de filles qui rasent leur vagin. What? T'as jamais vu ça, man? C'est genre de la porn. Ben là, de la porn, on s'entend que t'es bas de gamme un peu, là. Je suis pas mal sûr qu'il y a du monde qui peuvent pas mal s'amuser là-dessus. On dirait que j'ai pas envie de chercher ça sur YouTube, vu que YouTube a son algorithme de homepage, pis j'ai pas envie qu'il me suggère d'autres vidéos de vagin. Mais bref, oui, il y a ça, là. C'est genre, il cache la face, mais t'as tout le reste plafé dans le bain. Mais là, c'est éducatif. Oui. C'est ça qui est marqué au début. Tu sais, moi aussi, là, depuis tantôt, je me rase pendant qu'on fait le podcast. C'est juste que ce serait wack, là. Parce que vous verrez ça. Il y en a un qui boit des cafés, il y en a un autre qui se rase. C'est ça, on peut, c'est juste les membres premium qui peuvent voir ça dans le feed vidéo. Ouais. C'est fou ce qu'on peut avoir pour 5$ par mois. Ouais. Caractermoupremium.com. Non, elle est pas là, ça existe pas. C'est pas nous. Ouais, c'est pas nous autres. C'est des photos de nous nus, mais c'est pas de notre faute. C'est un stalker qui a sorti ça. Oh. Sûrement un des Francis. Ouais. Hey, cette semaine, là, j'ai du bon contenu. Tu vas chier à terre. Go. T'es-tu bien assis, là? Ouais. OK, cette semaine... J'ai envie de te faire écouter une chanson. OK, puis là, c'est une chanson de François Feldman, un chanteur français. OK. Que je sais pas exactement qu'est-ce que je chantais d'autre. Je le connais pas tant, là. Je m'en calisse, mais... Il y a une chanson qui s'appelle Joy. Hey, t'es cool de t'en calisser, hein? Wow! Non, mais quoi? Non, mais dans le sens... Non, j'ai vu que ça sonnait quasiment comme ça. Podcasteur rebelle, j'ai des tatous. Non, mais c'est surtout que je me suis pas informé. Qu'est-ce que t'en penses, là? Je fais ça juste pour le temps. Je me suis pas informé, genre. Je sais pas c'est qui, qu'est-ce qu'il a fait, okay. Je sais pas qu'est-ce qu'il chante d'autre, mais il a écrit cette chanson-là, Joy. Que ça, je me suis informé un petit peu sur cette chanson-là, du moins, pour savoir que c'était écrit pour sa fille. OK. Puis ça rend la chose encore plus louche, genre, je comprends pas. Puis je veux te faire écouter... M'abandonne. Joy, déjà tu m'étonnes. Joy, tu tiens ton biberon comme un saxophone. Tiens ton biberon, tu me niaises-tu? Un biberon! Joy! Tu fais toutes tes rimes en on avec ton biberon. Tu tiens ton biberon. Trouve un autre mot, là. Ça marche pas, là. Tu tiens ton biberon comme un saxophone. Voyons, tabarnak. Ouais, du verbe biberonner. Oui, du verbe biberonner, je le sais. C'est ça le pire, j'ai checké après comme « Ah, peut-être une expression. » Non, ah, c'est vrai? Oui, oui, il y a un verbe. Mais c'est ça, mais même utilisé comme un verbe, ça marche pas, là. Tu peux pas tenir ton verbe. Tu tiens ton biberon. C'est genre une méthode française de dire « biberon ». Ben, tu sais, peut-être, tu sais, un peu l'accent de Marseille, là, que tu mets un accent sur les lettres de fin. Ah, ben, si tu cherches biberon, ça te sort un gecko. Il y a un gecko, biberon's gecko. Ah, ben, gecko comme inter de gecko, hein? Gex? Ouais, c'était malade, ça. Je me suis... me semble... Ouais? Non. Ben, j'ai pas rejoué depuis vraiment longtemps. Ah, non, c'est ça. Mes cousins, ils avaient ça, je me souviens d'avoir vu faire comme « Oh, c'est malade! » Mais genre, j'ai jamais joué, je pense, de bon moment. Je sais plus si je l'ai sur... Je l'ai en PS1. Oui! Ouais, je l'ai acheté, mais j'ai pas rejoué. Man, faudrait que tu joues pour nous en parler la semaine prochaine. Ouais. Hey, on t'a pas écouté le Soft Ninja cette semaine? L'as-tu écouté, toi? Ouais... C'est parfait. J'attends ta chronique sur Surf Ninja tantôt. C'était ça ma chronique. Mais attends, c'est la toune Joy, c'est pas fini. Ah, ok. Parce que oui, il y a le rhythm de Biberon, mais mon bout qui me fait le plus capoter s'en vient. Parfum de vanille, amour qui pétille, elle me déshabille. What? Ses yeux qui brillent. What the fuck? Pourquoi? Tu sais, j'essaie encore de me rentrer dans la tête une façon de tourner cette phrase-là qui serait logique en parlant d'une fille. Peut-être elle me déshabille de ses yeux qui brillent. Mais c'est peut-être elle voit son âme. J'espère que c'est ça. Ben, faut que ça soit ça, parce que y a pas aucune autre façon, le reste c'est tout louche, borderline sexuel. Ouais. Genre, ça tient son biberon, c'est quoi le biberon de bord? Un biberon. François comme un saxophone. C'est-tu le biberon à François Feldman? Allez, joue-moi comme un saxophone. François, en tout cas, je sais pas si ses autres chansons sont comme ça. Il est de quelle origine? Là, j'allais dire français, mais il est peut-être belge, je sais pas. On va s'informer. Attention! François Feldman, on va s'informer, là. Je me suis pas informé pour vrai, puis là... C'est comment? Feldman? Feldman, ouais. OK. F-E-L-D-M-A-N. C'est un français. OK. Il y avait un grand succès dans les années 80 et 90 en France. Ah, il est mort? Non. Non? Non, il est réactif. J'étais là, j'ai regardé sa page. Chris, c'est récent, parce que... C'est marqué 82 à 2004, j'ai checké, c'est 26 ans de plus. Enfin, Joy, je me demande ce qu'elle est rendue aujourd'hui, mais elle doit pas être bien. C'est ambigu. Chris. Mais ouais, le reste de la toune... Ah, il est d'origine russe et belge. Ok, sa fille s'appelle vraiment Joy. Ok, c'est même pas un faux nom. Non, c'est vraiment sa fille qui s'appelle Joy. Joy. Un matin d'automne. Ouais, je pense que c'est ça. J'espère que c'est ça, c'est genre... Elle voit au-delà de son enveloppe charnelle. Ouais, ben tu sais, je te ferai pas jouer le reste de la toune parce que non, c'est encore des rimes en on. Puis, mais ceux-là, ils en inventent pas. Au moins, après ça, il a comme fait comme ah, ben je pourrais prendre des vrais mots en on au lieu de d'étirer des mots en on. Mais il y a une entrée Wikipédia pour la toune, Joy. Ils disent-tu l'état de la fille dedans? Non, même pas. J'ai pas de questions là cette semaine. J'ai un truc de Yahoo. Ah man, il y a vraiment Biberon. On va aller voir si au moins ça existe. Ça a l'air d'exister, man. Ben Biberon, le verbe existe, mais j'ai pas trouvé un mot. C'est que Biberon était comme un synonyme de biberon. Ah, mais c'est féminin singulier de biberon. What? Yep, une biberon. Ben là, c'est sa biberon d'abord? Ah ouais, c'est vrai. Il dit... Bon, ben, c'est une faute. François Feldman, une fraude. Une fraude. Ah ben j'ai une autre chanson à analyser. La chanson Roberto de Patrick Grou. Parce qu'on se souvient tous que Patrick Grou est pas juste humoriste, mais aussi Pat Grou et les Bas Blancs étaient son groupe de musique. Puis là... Lui aussi il est rock'n'roll. Hey, ris pas. Un peu de respect. Ah. Non mais là, il va peut-être falloir que je fouille dans tout, c'est quand le moment, là, mais je pense que c'est dans le refrain. Oh Roberto, avec ton sourire d'immigrant, tu mords dans le ciel à pleine dents. Toutes les choses qu'on prend pour acquises, pour toi c'est aussi fort que la vie. Oh moi ça me dépasse. Quand je nous entends chialer qu'on a un cheveu dans notre assiette, je pense à toi, cher Roberto, qui se serait contenté de miettes. Mettons que je vais au restaurant, puis Roberto est avec moi, puis les deux se commandent une soupe. Moi, j'ai une soupe avec un poêle, lui, il a des miettes. Non, mais... Puis il va être content de ses miettes, là. Il va faire comme, oh, toi, je suis content de mes miettes. Mais non, c'est pas ça. Roberto, pour lui, je pense que c'est genre un immigrant ou quelque chose de genre qui est impôt. Ou un sans-abri, c'est dans le sens où on est comme « Oh, il y a un cheveu dans notre assiette! » Mais lui, il mange pas. Oui, non, c'est ça, je comprends le sens de la chose. Mais va pas au resto si tu te sens mal. T'as le droit de chialer qu'il y a un cheveu dans ta soupe. Ça t'a payé pour ta soupe. Ouais. Comprends-tu ce que je veux dire? Ouais, mais je pense que c'est pas ça le but de la chanson. Ben là, dis-le, Patrick Groulx, câlisse. Grosse crise d'explication pendant la chanson. Oui. Je sais que c'est un peu exagéré, mais c'est une manière de parler. Non, mais tu sais, oui, je comprends. C'est un exemple, je suis désolé, Stéphane. Voici non, une biberonne. Je comprends vraiment ce qu'il veut dire dans sa tune, mais ça m'énerve pareil que non, il serait pas contenté de miettes si les deux vous êtes à part égale, vous avez commandé la même chose au resto. Ah, mais c'est pas ça là qu'il dit. Je sais que c'est pas ça qu'il Chris. Dit. Mais il serait pas contenté de miettes, asti. T'as le droit de chialer qu'il y a un cheveu dans ta soupe. Genre, je vais pas. Chris, si quelqu'un chie dans ma soupe au restaurant, je serais pas comme. Ah, je pense que je vais laisser la crotte là. Roberto, Chris, il mange des miettes. Asti, je vais faire comme. Garde, enlève la crotte de ma soupe là. Hey, celle-là, ben, en fait, c'est chialer pour chialer. Sers-moi une autre soupe, si t'enlèves la crotte, elle est quand même contaminée. Là. Sers-moi une autre soupe, pas de crotte. Puis là, le serveur va te faire. Ben là, Roberto. Hein, tu penses à Roberto, là, lui, il a même pas ça, une soupe à crotte. Tabarnak. Aïe, non? Ça, c'est chialer pour chialer. Non. Ça, c'est vouloir pas comprendre. Je comprends, c'est juste cave. Tabarnak. Mais comment t'aurais voulu qu'il le dise? Je sais pas, genre... quand je nous entends chialer qu'on a un cheveu sur notre assiette, je pense à Roberto, puis après ça, je me dis, ouais, mais tu sais, s'il s'achèterait une soupe, peut-être que lui-ci, il ferait comme moi, hein, je veux pas de poêle dedans, je sais pas. C'est plate en crise, faut aussi que ça marche dans une parole de toune. Tabarnak. Aïe, aïe. Bref, si vous avez une opinion sur la chanson Roberto, caractermou.com, contact. C'est sûr que tout le monde va être de ton bord. Il y a personne qui peut être d'accord avec ce que je dis, comme. Hey, Cav, Chris, tu comprends pas ce qu'il veut dire? Oui, je comprends, mais c'est pas ça! J'ai envie de chialer! Non, mais. Tu sais, c'était quasiment un segment récurrent qu'on chiale anyway. Hein. Parce que dans le podcast, La vie secrète des geekettes, ils ont un moment pour chialer qui s'appelle La Switch à Bitch. Mais je pensais que peut-être nous autres on pourrait avoir l'interrupteur à beurre. C'est bon. Nice. C'était notre interrupteur. Hey, nouvelle qui est passée cette semaine. C'était une nouvelle par rapport à Arrested Development, la saison 5, qui confirmait que. Ils veulent vraiment la faire, puis c'est juste une question d'horaire, puis de faire fêter tout le monde, mais comme tout le monde est in. T'sais, Netflix est in, okay. Les producteurs, le script est là, tous les acteurs veulent le faire, c'est juste une question de quand qu'ils le font. Nice. Puis ils disent comme ça va sûrement se faire après les élections aux États-Unis. Okay. Mais dans le même article, ils disaient aussi qu'ils ont remonté la saison 4, ouais. Qui était de 15 épisodes, d'à peu près 30 minutes, 30 à 35 minutes des fois. Puis qui était la saison 4 est quand même controversée parce que est comme genre on dirait qu'elle est tellement expérimentale dans son format qu'elle s'écoute pas comme une émission de télé. OK. Puis autant je la trouve brillante, autant je suis pas capable de la réécouter, genre c'est trop long. Ouais. C'est long puis lourd. Mais ils ont fait un recut de cette saison là, là ça serait devenu 22 épisodes de 22 minutes. OK. Monté en ordre chronologique, fait que ça aurait le feel des anciennes saisons. Ça serait plus tight, ça serait plus rapide, puis fait comme oh shit, oui, je le veux, s'il vous plaît, dans mes veines maintenant. Genre. Ouais. Ce qu'ils ont l'air de dire, c'est qu'ils recherchent comme comment sortir ça. J'ai l'impression que ça sortira pas sur Netflix, puis ça va peut-être être vendu à une chaîne télé ou whatever. Mais calisse que j'ai hâte. Genre, c'est, pour vrai, la saison 4 est vraiment brillante, mais dans le format qu'elle est présentement, c'est pas écoutable. Genre. C'est lourd, c'est on dirait que c'est tout croche, ou je sais pas, c'est. Le pace est off, tout est slow, c'est bizarre, mais je trouve ça tellement particulier que tu peux reprendre une saison d'une série télé, puis la refaire. Ouais. Un code vrai, différent, puis de faire comme passer à 15 épisodes à 22. En tout cas, tout le concept, mais encore un peu extraterrestre, mais j'ai hâte, je suis hype, là. Ouais, ça peut être. Fait que pour ceux. J'ai même pas écouté, en plus. Non, écoute-la pas. Pour vrai, puis tout le monde qui aurait pas écouté la saison 4 encore, écoutez-la pas, attendez qu'il y ait un recut. Parce que pour vrai, c'est. Moi, je pense que ça vaut la peine, mais j'étais déjà fan. Puis il y a beaucoup de fans qui l'aiment pas. Fait que là, comme c'est confirmé qu'il y a un recut puis que ça s'en vient éventuellement, on va attendre. Je conseille d'attendre. Voilà, c'était ma petite nouvelle de cette semaine. Nice. Hier, on est allé aux États-Unis avec des amis. On est allé à Plattsburgh, grosse sortie. Mais tu sais, à part magasiner dans le. Parce qu'eux, ils ont des Target, fait qu'on peut aller au Target. Nous autres, on n'en a plus. Puis c'est drôle, les Target là-bas, c'est drôle de voir un Target avec du stock sur leur tablette. Puis, le but, c'était surtout d'aller souper au Texas Roadhouse. Ok. Qui est un genre de steakhouse qui est quand même vraiment nice. Ils font des calices de bons steaks. Ok. Sauf que, tu sais, imagine le style un peu, tu sais, Texas. Fait que style ouais. Un peu western, tu sais, pis donne des peanuts en écale, que les peanuts, tu peux crisser les remains de tes peanuts. Les remains de tes peanuts! Qu'est-ce que je sais pas parler? Tu sais, les restants de ce qui se mange pas de la peanut, tu peux crisser ça à terre, là. Merci! L'écaille, c'est comme, c'est la coutume de jeter les écailles à terre. Okay. Pis c'est drôle, à Plattsburgh, y'en a pas tant à terre. On dirait que le monde est un petit peu froid à l'idée de crisser des écailles de peanuts à terre. Fait que c'est comme semi-propre à terre. Mais si tu vas plus bas ou plus loin, là, c'est comme le plancher, tu le vois plus, c'est des écailles de peanuts à grandeur. Ok. Nice. Mais le clou de ce restaurant-là, pour ceux qui iraient aux États-Unis prochainement pis qui cherchent une place à aller, le vrai clou, là, oui, ils ont des délicieux steaks, tout ce qui se mange est vraiment bon, là. Mais, c'est que on dirait qu'à chaque heure environ, les serveuses, ils s'en vont comme dans le milieu d'une allée, qui est juste une allée passante, là. Puis c'est juste. Ils commencent à faire. La musique, elle vient plus forte, puis ils commencent à faire une danse en ligne. Puis mettons qu'ils sont 6-7 à faire une danse en ligne en même temps. Mais, la face qu'ils font, là, pendant qu'ils dansent, t'as jamais vu quelqu'un vouloir mourir à ce point-là. Genre, tout, il y a pas. Mettons qu'ils sont 7, il y en a souvent deux dedans qui sont dans ces 7-là, qui sont vraiment trop dedans, puis qui sont contentes, puis qui vont taper plus fort, puis les autres, ils sourient. Mais les 5 autres, là, ils font juste éviter le regard de tout le monde. Ils regardent au plafond comme. Tu vois qu'ils sourient pas, puis qu'ils bougent un peu mou, puis tout ce qu'ils se disent, c'est comme. Qu'est-ce que genre de. Que ce soit fini, c'est comme. Pourquoi j'ai signé pour faire ça? C'est ça, tu moins. Puis tu sais. Puis moi, mon fun, c'était d'essayer de les regarder dans les yeux, puis qu'ils croisent mon regard, là. Nice. Là, il filait mal, là, c'est comme, oh fuck, là, il cherche un regard plus loin, puis il continue à tourner, puis à taper dans les mains, comme, c'est délicieux, ce moment-là. Je comprends toujours pas pourquoi ils font ça, parce que clairement, ils sont mal à l'aise de le faire, puis ça leur fait chier, là. Mais juste pour ça, ça bat n'importe quel spectacle que tu verrais dans un restaurant. Puis on s'entend, c'est pas un spectacle, là, c'est comme 20 secondes de danse en ligne, là. Ouais. Mais c'est un bijou. je souhaite à tout le monde de voir ça. Puis hier, on l'a vu deux fois. C'était malade. Ils l'ont pas fait en même place. Fait que la deuxième fois, on voyait bien leur visage. Nice. Ah, ouais. Très, très, très bon moment. Je conseille ça. Texas Roadhouse, excellent spectacle de danse en ligne. La danse en ligne, là, on s'entend que. Fuck. Wow. Ouais. Mon opinion cette semaine. Parfait, ça. Ben, ok. T'as dit quelque chose, toi? Non. Non, il s'est rien passé cette semaine, je pense. Excusez-moi. Nope. J'ai essayé Crawl. C'est calice. Quoi ça, excuse-moi? J'ai essayé Crawl. Crawl? Le jeu, un des jeux qu'il y avait dans le Humble Monthly. Ah oui, qu'on a parlé la semaine passée. Ouais. Mais c'est un jeu de multi, parce que, genre, quatre joueurs. En gros, c'est du compétition. Je sais pas comment le dire, là. Dans ça, c'est... T'as un joueur qui est humain, les autres c'est les monstres. Quand un des monstres réussit à tuer l'humain, quand un des joueurs tue l'humain, ben il devient l'humain. Et le but c'est d'atteindre le genre être level 10 puis après c'est d'aller tuer le boss en humain. Ok, puis c'est comme en pixel. Ouais. Mais c'est vraiment le fun à jouer en groupe. Ouais? Ouais. C'est vraiment bien. Par groupe, t'entends Foot Shoes entre amis ou Foot Shoes, ouais, c'est ça, c'est pas tout. Pas jouer comme random sur internet. Pas dans... C'est online. Le genre de jeu-là, ça. Ah, ok, c'est local. Ouais, je pense. Je suis pas sûr. Mais en local, c'est vraiment fun. Bref, c'est à essayer. Il vaut la peine. Toi, t'as joué. Je joue à deux. Non, on était à quatre. On a joué deux games de suite. Ok. Ouais, il y a plein d'unlocks. C'est vraiment nice. Ah, cool. Ouais, parce que même les monstres, tu peux les améliorer selon si t'es bon ou non. C'est genre, tu vas avoir plus de points. Puis. Combien de Q sur 10? Ben, en y allant avec le fait que 10 Q c'est mauvais, ben on va y aller avec un Q. Un ou deux. Nice! Ouais. La note des sorbets, un Q sur 10. Non, ben je vais l'essayer. Je regarde une vidéo pendant que t'en parlais, puis ça, ouais. Ouais, ça a l'air nice. Non, il est vraiment le fun. C'est-tu le genre de jeu que tu peux jouer à deux puis ça marche pareil, ou faut ouais. Que tu sois plus que deux, ok? Oui, tu peux jouer à deux puis tu peux mettre des computers aussi. Ah, ok, cool. Nice. Ouais. Non, c'est cool. De toute façon, je l'ai fait. Je vais l'essayer, tu sais. Ouais. Non, il est vraiment le fun. Mais c'est ça. Tu sais, je vois pas trop le trip de jouer tout seul. Tu veux dire tout seul avec des CPU? Ouais. Ok. Parce que c'est le fun de te battre avec tes amis, d'être comme « Fuck you! » Ben, je pense qu'ils mettent l'option. Dans le fond, c'est plus, tu sais, ils ont déjà les CPU. Il va y avoir du monde qui vont chialer, qui peuvent pas jouer seul. Ouais, tu le mets. Pis y a sûrement du monde qui vont jouer à ce jeu-là juste seul, pis qui vont jouer quand même quelques heures, pis ça ouais. Va être leur seule expérience avec le jeu. Là. Vrai. T'sais. Ben, enfin. T'as-tu des questions Yahoo? J'ai une question Yahoo cette semaine. Chanson thème. Yahoo! Oh shit! Nice. Ma question cette semaine. Si une fille, mettons qu'elle passe out après un orgasme pendant que tu fais l'amour, Est-ce que c'est considéré un viol si le gars continue pis qu'elle passe out? Mettons qu'elle était consentante avant. Je dirais que non. C'est pas du viol, mais en même temps, je suis pas mal sûr que tu pourrais faire l'argument inverse. Mais en même temps, tu sais, c'est pas comme si elle allait être surprise. Dans le sens, t'es en train de le faire. Ouais, ben c'est ça. J'imagine que ça dépend un peu comment ça se passe. Si ça arrive... La fille passe out, le gars s'en rend plus ou moins compte, puis tu sais, il pense juste que la fille s'est mise un peu plus molle, puis ouais. Il continue son affaire. C'est tel quel. Mais tu sais, si mettons, le gars s'en rend compte, fait comme, le marnac, puis il commence à y taper dans la face, genre, puis là, elle se réveille pas, puis le gars, il s'illumine, puis il fait comme, oh Chris, j'ai déjà vu ça dans des vidéos. Là, ça se peut que. Là, ça serait plus peut-être enclin, même si t'es en relation ou t'es marié avec la personne. C'est limite, là. Si mettons, le couple s'est jamais parlé comme « Aïe, c'est dans mes fétiches que tu le fasses pendant que je dors » ou des affaires comme ça, là. Ouais, parce que, ouais, il me semble, moi, j'aimerais pas ça. Si molle, il me semble, pour moi, un des plaisirs, c'est que ça soit comme mutuel. Non, c'est sûr. Genre, c'est tout molle, c'est comme se crosser sur une serviette. Ah, ça fait exactement le même feeling. Genre, mets du loup, c'est une serviette, tu frottes dessus, ça va être pareil. Tiens, ça fait le même son. C'est un essuie-tout. Mais c'était dans mes mains, là. By the way, c'était pas... Ouais, non. Je suis pas aussi extrême que ça dans le podcast, là. En plus, pas très tough. Je finissais de me raser. Raser quoi? Mais tu sais, comme, ça peut-tu arriver, mettons que qu'une fille mal intentionnée soit parfaitement consentante au début, prend, mettons, quelque chose pour qu'elle-même passe out, quoi, c'est crissement dangereux pour elle, mais qu'après ça, elle peut revenir comme, il m'a violé. T'as même pas besoin de pass out pour prouver ça, si tu voudrais vraiment faire ça. Je sais pas, où est-ce que je m'en vais avec ça? Oh non, parce... C'est juste tout ce que je suis en train. Je me posais une question de quelque chose qui est tellement. Tellement inutile, puis tellement trouble. Tu peux faire la même chose tellement plus simple que dans le fond, je m'en vais nulle part. Ouais. Mais pour vrai, je pense pas. Genre, ça pourrait pas être du viol. Parce que c'est consentant, mais c'est fucké puis bizarre. Ne sache pas ça que vous allez rester ensemble après si c'était pas genre. Quand la fille est comme, tu m'as pas aidé, tu viens de continuer, genre. Ouais, c'est ça. C'est peut-être plus ça, je pense. Mais tu sais, c'est ça, sais-tu passante endormie dur ou passante, genre, c'est, ouais. C'est un parce problème de force... santé. Ouais, parce que t'as force pas ou quoi que ce soit, dans le sens c'est voulu, pis c'était consentant, les deux, ils ont envie, pis tout, tiens, et passante. Dans le sens, pendant, pis c'est surtout en plus, c'est parce que c'est aussi comment tu l'as amené, là, dans le sens, c'est à l'orgasme, mettons. Ouais. Ben, genre, c'est comme si c'était vraiment consentant. Ouais, mais après ça, ça l'est-tu? Ben, tu sais, c'est moins pire si c'est un couple ou un. Ou, tu sais, même son mari ou whatever, mais mettons que c'est une date. C'est weird. Ouais, mais comme je dis, je pense que ça reste consentant, c'est juste fucké en Chris. Ouais, mais ça reste-tu consentant si le pénis est sorti, pis là, il s'en rend compte qu'il est pas sorti. Tu sais, ouais. S'il est encore dedans, là, c'est tel que tel, je pense que t'as comme un droit acquis, là. Ben, pas plus. Mais genre, s'il est sorti, pis t'en es conscient, là. Mais ben, pas plus comme... que si t'es dedans, pis t'en es conscient, je pense. Dans le sens que les deux, c'est la même implication. Qu'est-ce que tu fais s'il sort, genre, temporairement d'un petit. Ouais, genre, mais si tu parles du fait comme, ben, je suis dedans, je vais finir. Mais ben, j'imagine aussi, ça dépend du temps. C'est bizarre, mais. T'es-tu sur le bord? Tu sais, t'as même pas le temps. Des fois, t'es tellement dedans, t'as même pas le temps de t'en rendre compte. Genre, j'imagine si comme t'es... Il te reste encore un 10 minutes de travail, ben là, comme... Un moment donné, rentre-toi en compte, c'est juste bizarre. À moins, le gars est tellement concentré à pas venir, qu'il est tellement dans sa tête, puis il pense juste à des affaires tellement banales, mais vraiment intenses tout le temps. Fait qu'il se rend compte de rien. Ouais, ça pourrait être ça aussi. Ça se peut, là, qu'il soit trop focus, puis qu'il se rende compte de rien. Ouais, mais je pense, c'est juste... Ça serait plus du style, tu sais, genre, ça n'a pas rapport au viol, mais ça a rapport aussi à comme si, mettons, quelqu'un fait une crise de cœur dehors, tu passes à côté. Tu sais, ça, tu t'en es juste pas occupé. Ouais. Mais c'est ça, ça vient dangereux dans le sens, si c'est pas sorte juste de fatigue ou si c'est pas sorte d'autres choses. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça peut être dangereux si c'est d'autres choses. Ça vient de faire un ACV, là, genre, vas-y, tu penses que tu te sentirais. Ouais, c'est ça. Mais quoi, en même temps, peut-être pas. Je sais pas. Genre, ça arrive tellement, puis tu sens juste que, T'as-tu déjà vu un ACV live? Dans Family Guy. C'est ça. C'est pas comme ça? C'est pas vrai? Ouais. Non, j'avoue, ouais, je sais pas. Ouais, ça, tu sais, peut-être qu'il y a vraiment... Ouais, mais... J'allais dire, peut-être qu'elle est vraiment dedans, puis tellement qu'elle crie fort d'intensité, après ça, elle crie d'intensité d'ACV, mais après ça, elle crie plus, ce serait bizarre. Ça crie pas, un ACV, mais tu peux être plein de... À fond ben, tu dois faire comme... Ouais, c'est ça. Tu dois forcer quelque part, juste un son bizarre de toi qui te retiens d'avoir mal, là. Je sais pas, parce que tout le monde, c'est genre juste, je pense, ton bras, il est engourdi, t'as mal à la mâchoire, puis là, tu tombes. C'est pas nécessairement, tu vas pas nécessairement forcer, je pense. Ça fait pas mal, puis tu le sens pas. Mettons, ok, peut-être pas ACV, mais mettons, infarctus. C'est pas un ACV. Ça ressemble, mais il y a une différence, je me souviens plus. ACV, c'est pas... Cérébro-vasculaire. Ouais, c'est... Ah. Puis infarctus, c'est vraiment, mettons, c'est le cœur. Juste le cœur, artère bouchée, mettons. Ouais. Puis cérébro-vasculaire, ça atteint ton cerveau ou quelque chose. Je sais pas, Je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'intensité de l'arrêt, parce que j'ai des oncles qui sont allés à l'hôpital. Il y a du monde qui vont à l'hôpital d'eux-mêmes avec ça, puis... Ouais, mon père a fait ça. Ouais, mon père travaillait, puis il a commencé à avoir mal, puis Chris, il est allé à l'hôpital en char, puis il avait crissement mal, puis il est allé, puis finalement, il fallait vraiment qu'il y aille, parce qu'il était opéré à Sherbrooke, genre, le soir même. Là. Puis là, by the way, il va mieux, genre, mais genre, ça me fait capoter, genre, t'es comme, fuck, t'as un infarctus, là, puis tu conduis pour aller à l'hôpital. Ouais, c'est ça, mais en même temps, tu le sais pas que tu fais ça, tu sais, quelqu'un qui va pas bien, mais... Non, c'est sûr. Puis mes parents, c'est pas du monde qui vont à l'hôpital, puis qu'ils aiment pas ça, à savoir leurs problèmes, là, dans ce sens-là. Mais je pense que là, ça faisait assez mal. Même, je pense que de ce que j'ai compris, ça faisait mal en avant-midi, puis que c'est pendant un break, c'est un de ses collègues qui a dit « Gars, vas-y, Chris, là, t'es pas capable de bouger. » Aïe, aïe, aïe. Ouais, fait que ça, il y a une partie d'orgueil qui embarque là-dessus. Là. Shit, ouais. Mais ouais, comme Jean-Marc Parent faisait un numéro sur l'infarctus qu'il a fait, puis mon père, il me disait comme, OK, comment que Jean-Marc Parent le décrit, c'est vraiment exactement ça. Là, okay. Toutes les émotions, puis la façon qu'il décrit, puis tout ce qui arrive, puis tout ce qui fait mal. Nice. Fait que c'était... je me souviens plus c'est dans quel show, mais c'est un numéro qui est... C'est un numéro qui est vraiment bon, qui est vraiment intéressant aussi. Jean-Marc Parent, autant que quand j'étais petit, je l'aimais pas, mais là, c'est rendu... Il est quand même vraiment drôle à chaque fois, genre, sans être comme, tu sais, tu te roules pas, parce que c'est drôle, mais c'est tout le temps bon, genre. Ben, c'est pas des gags, tu sais, c'est une histoire, genre, fait que c'est... Ouais. Mais, tu sais, il sait tellement comment compter, puis comment, comme, bien tourner l'histoire pour que tu restes dedans tout le temps, puis que ça fasse rire, là. Ouais, c'est ça. Mais, ouais, Jean-Marc Parent, il faudrait que je me mette à jour, j'ai pas vu son dernier spectacle, me semble, mais... J'écoute tellement plus de trucs d'humoriste, là. Moi non plus, c'est quand vrai. J'étais, à part les podcasts. Là. Ouais, quand j'étais petit, j'écoutais tout le temps les gars-là. Mais là, non. Mais c'est rendu, tu sais, je pense que j'aime plus. J'aime quasiment plus des humoristes qui se parlent entre eux et qui se font rire entre eux qu'un numéro scripté. Ouais. Je vais aimer encore ça, mais pas autant. Je rirais pas autant à un numéro scripté qu'une connerie qui part, mettons, dans le podcast à Mike Ward. Genre. Ah, je sais pas, mais... Je pense que ça dépend du numéro scripté aussi. Je pense que oui. Mais c'est parce que le problème, c'est que j'aime pas les numéros scriptés, pas nécessairement du stand-up, mais surtout des interactions entre deux personnes, que c'est comme, tu sais, ils interagissent, mais c'est scripté. Ah ouais, comment ça? C'est ça, tu sais, le pseudo, on sonne comme si on n'était pas des comédiens, parce qu'on n'est pas des comédiens, mais tu sais, on se parle, mais on sait que c'est de la comédie, mais il y a... C'est ce genre de situation-là, c'est ce genre d'affaire qui je suis pas capable de... Ça me fait pas rire. Ouais, moi... T'as-tu vu le numéro qui a été censuré de Mike Ward pis... ouais, qu'ils ont fait au bordel pis qu'ils ont... C'était pile ça, un acting mauvais. Ben, c'était un peu ça, mais c'est tout le temps ça un peu les gars-là aussi. Ouais, C'est, tu sais, pis là, je veux vraiment pas chier sur personne, mais dans le sens, c'est juste le genre de... C'est une façon de livrer de l'humour qui m'attend zéro, ça. Ouais, c'est ça. Pis tu sais, comme dans le gala des Oliviers, que j'ai pas écouté au complet, mais j'ai vu ce bout-là. Il y a un bout, c'est Charles Lafortune pis Éric Salvaille. C'est ça fois 1000, parce qu'eux sont pas des humoristes, fait que c'est juste... C'est juste du monde qui sont... Ben là, Charles Lafortune, pourtant, il est comédien, mais il a peut-être pas le sens de... Il y a peut-être pas le sens de la comédie, mais genre c'est les deux, tu vois, qui lisent des gags mais avec un delivery tout croche, puis ils parlent pas vite, puis ils ont un timing vraiment off, fait que tu sais, juste du monde qui font des gags mal actés, puis que là tu sais ah, c'est là, faut que je rie, t'es conscient du gag, mais c'était mauvais là. Bref, leur numéro à Eric Salvaille et Charles Lafortune, c'était mauvais. Je l'ai pas écouté pendant tout. C'est pas long, j'ai mal dans le doigt là. Oh. Genre, je sais pas pourquoi, j'ai vraiment mal à l'index de ma main droite. C'est mieux que dans le cul. Ah, ben il est là, fait que c'est comme un peu les deux. C'est justement pourquoi j'ai mal. Attends un peu. Ah, oh, ok, ben oui, ça fait plus mal. C'est nice, ça start les infarctus. Fuck, non, c'est gauche? Ouais, je pense. Ouais, c'est gauche, la mâchoire droite. Je sais ça plus. Peu. Il me semble que c'est inversé. Là. Mais, qu'est-ce que je... Avec son biberon. T'as-tu d'autres choses? Moi, j'ai vraiment passé toute ma liste. Il me semble que je parle trop. Or, non, fait on que... est pas mal égal, je pense. Peut-être. Ça paraît, là, c'est le temps de ta question. Là. J'essaye de la trouver. Ok, excuse, je t'ai coupé. Hein. Ok. Non, t'allais dire de quoi je t'ai... Ah, non. J'allais dire... T'as juste dit un son, puis tu t'es dit... Il va me couper, fait que je vais faire croire que j'avais une phrase. Ah, c'est... Ah! Aïe. Hey. Un petit calice. Ok. Est-ce qu'elle va être plate, celle-là? Attends, question louche? Ouais. Chanson thème. Question louche. Question louche de Mathieu Mann. Si tu pouvais être un oiseau, lequel tu serais? Oh, calice. Ah, elle est parfaite dans son plate. Lequel que je ferais, ben... dans le meilleur des mondes, je pense que tu choisirais un oiseau prédateur, là. C'était moins en danger. Genre un aigle à tête blanche, là. Non? Mais je sais pas. Ce serait pas une poule, là, Calis? Non, mais mettons, si tu checks les... genre les pinsons ou des trucs dans les rouges-gorges, ils sont pas vraiment tant en danger. Ils font égaler des mangeoires, puis ils ont leur nid tout. Ils sont chiés par les écureuils, mais... Mais mettons, je serais pas un canard. Ouais. J'aurais pas de la chasse. Ouais, j'avoue. Non, mais tu sais, les oiseaux, tu sais, je me dis, tu sais, il y a des chats aussi, pis tout. Fait que, tu sais, peut-être qu'un faux pas. Ouais, j'avoue. Un faux pas de rouge-gorge, je sais pas. Mais ça, c'est plus fatal qu'un faux pas d'aigle à tête blanche, là. C'est pas un aigle royal. Hey! Tu parles-tu de l'aigle du. Les États-Unis, là. Ouais, c'est ça, c'est l'aigle. America. Il me semble que c'est l'aigle royal. Mais ça. Hey, là, on s'estime pas ces mots. C'est vraiment pas ça. Ça, c'est un Golden Eagle, le Royal. C'est un Bald Eagle. Moi, c'est Bald Eagle quand je parle. Puis en anglais, c'est à tête blanche. En français, en anglais. En anglais, en français? En français, c'est à tête blanche. Pigarte à tête blanche. Bon. T'avais pas le Pigarte. Un Pigargue. Pigarte. Pigargue? Ouais, une Pigargue à tête blanche. On dirait c'est quasiment moins cool qu'aigle. On dirait... Ben, c'est pas mal moins cool, effectivement. Genre, c'est comme... Ça sonne comme un bruit de gargouillement de quelqu'un qui a mangé et qui a mal au ventre. Il ne s'agit pas d'un aigle du genre Aquila, mais d'un pigargue du genre Aliétus. Ben voyons donc. Il s'en distingue par son régime alimentaire, essentiellement composé de poissons. Mais appelle pas ça un aigle en anglais? Pourquoi qu'en anglais c'est un aigle? Bald eagle. Pigargue? Je sais pas. Pourquoi qu'en français ils ont fait comme « Hey, pigargue ». C'est pas un aigle, c'est un pigargue. Eh ben. C'est un gars qui a fait comme... Non, moi, Monsieur Pigargue, je veux qu'il y ait une race d'oiseaux qui porte mon nom. Je trouve ça drôle le mot oiseau. Genre, tu peux pas le dire comme... À part dire oiseau, là. Oiseau? Un oiseau. Genre, tu peux pas le dire comme... Bâtard, fait que c'est un oiseau. Les oiseaux. Ben le pire, en général, je vais dire oiseau, mais là, je me forçais à bien parler, tu sais. Un oiseau! Un gros oiseau! Ah, mais c'est donc ben, des beaux oiseaux, ça. Au Saguenay, c'est-tu plus oiseau? Un oiseau. Noiseau? Un oiseau. Un oiseau. OK. C'est rare que tu dis oiseau. C'est plus un oiseau. Un oiseau. Un oiseau. C'est où de bord? C'est aux Îles-de-la-Madeleine qu'ils disent plus oiseau. Avec les baleines. J'ai pas le choix. Deux oiseaux. Hey, ça, c'est vraiment un très bon accent de les îles de Madeleine. Je connais ça en esti. On se créerait aux îles. J'aurais dû dire... Lesquels? Crabes. Les crabes. Bout de crabe. Celui-là qui pêche les coques. Souvent appelé à tort règle royale. Ben oui, tu vois. C'est fou. Eh ben... Hey, cette semaine, là, c'est qu'on en apprend des affaires dans le sommet du caractère. Faut faire ça plus souvent le matin que ça marche. Ouais, le matin, je pense que c'est ça la recette. C'est pas la bière, là. L'important, c'est... Être réveillé. Ouais, c'est... Le dimanche soir, c'est là que je suis plus comme... Ouais, mais c'est comme... Mais c'est sûr qu'il faut pas faire ça le dimanche la prochaine fois. Là. Non, c'est vrai. Mais là, on pourra pas faire ça le lundi matin. Non. À moins de le faire avant d'aller travailler à 6h. Bonjour! Ouais, parce que moi le matin, j'étais une goule. Ouais, moi aussi, j'étais une goule. C'est ça que ça fait. À 7h, mes membres se rattachent, puis je redeviens normal. Mais tu m'as toujours pas répondu? Ben oui, je te l'ai dit. Je serais un oiseau, probablement un aigle à tête blanche, mais un pigargue. Un pigargue? Ouais, un pigargue à tête blanche. Tu serais pas un faucon? Hmm. C'est Chris Manais, un faucon. Ah, ouais. Ouais, mais un faucon devant un drapeau des États-Unis, ça a pas autant de gueule. T'as-tu déjà vu un bald eagle de face? Non. Ça a l'air calme. Okay. Moi, je pense que n'importe quel oiseau de face, ça a l'air con. Hein? Toutes les photos d'oiseaux, c'est de face. Ou je serais un poutou. Je pourrais être un poutou. Un poutou? Un poutou, hein. Un potou. Potou. C'est genre l'oiseau le plus... C'est fucking let, man. Un great potou, là. Moi, j'ai marqué poutou, puis je vois juste des photos de monsieur. M-P-O-T-O. Check un great potou. Philippe Poutou. Ouais, c'est pas Philippe Poutou. C'est... Non, comment cherche great potou. P-O-T-O. Greg Potou, c'est qui, ça? Great! Great Poutou. Ah. Avec les yeux noirs, man. On dirait que, genre, la bouche est comme le trois quarts de la tête. C'est quoi, cet oiseau-là? Ça, c'est que ça donc... fait peur, C'est drôle comment ça a l'air soit méchant ou soit juste retardé. C'est soit le démon, soit un attardé. C'est un méchant, un attardé. Mais ouais, pas. Ouais, il a l'air genre comme de. Il a l'air d'un anchois dans Bob l'éponge. Hein. Tu sais, qu'ils font comme. Ouais, genre. Ou du genre un mangeur d'âme. Mange-mort dans Harry Potter. Ouais, genre, je pense ça, si tu regardes ses yeux quand ils sont tous noirs, même, tu perds ton âme. Ça, faudrait, je vais mettre un potou, je pense, sur le artwork cette semaine, ça vaut la peine. Là. Ouais. qu'est-ce que c'est lettre? Tu choisiras lui que tu veux. Ah ouais, c'est le mien, ça, c'est moi. Moi, je connais pas tout. Aïe, aïe. Je vais manger les âmes des gens, man. Aïe, lui, avec la bouche ouverte, il donne une mascotte. Quand ils ont les yeux noirs, là, c'est tellement troublant. Ben, qui a l'air d'un chaton? Ah non, ok, je comprends, les yeux noirs. Ouais, non, non, non, ça a l'air ouais, non, lui qui est sa... sur la clôture à barbelé. Ouais, ouais, c'est ça, c'est lui que je viens de voir après. Ouais, ok. Hey, mais quand ils ont les yeux plus ouverts, ça fait comme un chaton, mais quand tu vois pas comme la couleur autour du noir, c'est spécial un petit peu. On dirait un masque d'Halloween, là. Tabarnak, ça fait donc bien peur, ce oiseau-là. Pas tout. Ça vit où, ça? Bon. Attends, pas tout. Ça, Nires... Nires Passerine. Tropical America. Nice. Non, je pense que je reste l'aigle à tête blanche. Sûrement un très mauvais choix parce que basé juste sur du patriotisme américain. Il n'y a pas d'autre raison. Il mange des insectes. Ben là, Chris, t'es un oiseau, là. Tu mangeras pas du Subway. Mais attends, ça a l'air que le son est louche aussi. Parce que t'es une mouette. Il y a un son? Ah, le son du potou. Il y a un son, oui. Trouve-moi le son du potou. Ah, on dirait que j'en ai joué avec lui, là. Ah! Oh my god! On dirait un oiseau mélangé avec un chat. Ça, on voit un bébé avec du bois. What the fuck? Ouais, on dirait qu'il dit mom. Ah, mais on dirait un adolescent, tu sais, dans sa chambre en train de jouer au PlayStation, pis. Genre, il a besoin de quelque chose. Mom! Mais toutes les potous, ils ont ce face-là, genre, de bec qui prend le trois quarts de la face. Mais c'est bizarre, tu sais, ils ont comme le bec est recouvert. Tu sais, pour ceux qui veulent pas chercher potous sur Google Images, comme un. Tu sais, ça a un petit corps, une christie de grosse tête, puis tout leur bec, ils ont comme aussi des plumes. Ouais. Sur le bec, un petit peu, avec un petit bout qui sort pas de plumes, mais ouais. Ça a des petits gros yeux bizarres, vraiment, ouais. Des fois, ils sont toutes noirs. Puis la bouche, elle fait comme quasiment toute la... En horizontal, genre, elle fait quasiment toute la tête. Ouais, c'est ça. Ça a l'air d'un cartoon. Ouais. Tu me dis, ça a l'air d'un poisson dans Bob l'éponge. C'est vraiment weird. Il y en a des plus... Genre, le gris de poteau, c'est le plus... Ok, on va finir sur des sons de aigle à tête blanche. C'est juste pigargue. Une pigargue, ça devrait faire comme. Parce que on est rendu dans le podcast aviaire. Wow. Ok. Ça sonne si aigu. Ah ouais. Aïe, je suis pas mal sûr que mon poteau il bat ton bald eagle. En qui, ben. J'imagine. Ah. Ben au moins. Ça sonne comme un goéland, hein. Ben c'est ça exact, c'est ça que j'allais dire, c'est comme tabarnak. Ben en même temps, c'est des... goélands, c'est marrant. Mais tu sais, au moins, le mien qu'on pense en variété, là. Ouais. Fait pas juste... Tu sais, le mien, il y avait une gamme assez complète. De cris fatigants. De cris, c'est ça. De grincements, là, ça. T'as choisi un gros goéland. Ouais. Wow. Ben, ça me ressemble. C'est con. Hey, pas tout, là. C'est con. Hey, mais je pense que les oiseaux, c'était une belle note pour finir. Ouais, je pense notre aussi. Notre podcast aviaire, les sorbets du rouge-gorge tourterelle. C'est le meilleur. On n'a jamais autant parlé d'oiseaux. Ouais, c'est vrai. Puis, hein, on le sait, c'est proportionnel tout le temps. Plus il y a des mentions d'oiseaux, plus c'est bon. Ben, je pense que oui. Si tu regardes sur l'échelle de Richter... Mais tu connais l'expression à qui aviaire aveux? Ben oui, c'est moi qui l'ai inventé. Pourquoi? Parce que je suis le matin. Wow, c'était une boucle! Ça marche même pas comme boucle. C'est ça, le secret, en fait, cet épisode-là, c'est faut l'écouter en boucle. Fait que quand tu reconnectes la fin avec le début, c'est là que ça prend tout son sens. Ouais. Puis si tu l'écoutes à l'envers, t'entends la toute Helter Skelter, puis ça se peut que t'aies envie de tuer des femmes enceintes. Moi, ouais, c'est une référence à Charles Manson, qui entendait des messages dans les tunes des Beatles. Cool! Sur cette note positive... Je pense que c'était une bonne fin, ça. Ouais. Parler de meurtre de femme enceinte. Ok. statue puis elle est inconsciente, non. C'est un viol? On devrait pas faire de blague là-dessus. Elle, quel oiseau qu'elle serait? Non. Oh, ça serait une belle colombe. J'espère que j'ai pas offensé personne avec la... C'est même pas une la blague colombe. De viol, c'est juste une mention du mot. Je ne suis pas de ceux qui sont d'accord avec le fait que c'est genre la faute de la fille. Absolument pas. Je veux pas que ça sonne comme ça. On dirait que le fait que tu sois plus inquiet que ça sonne comme ça, ça rend l'affaire pire. Ouais, c'est malade. C'est comme, c'est juste drôle, mais là... Tu le coupes un peu. Non, je pense que le monde va surtout t'offenser parce que t'as dit que c'était une colombe. Ça, tu peux garder la colombe. Tu coupes pas. Je vais juste garder colombe, en fait. Le podcast, c'est 1h30 de toi qui dis colombe. Colombe. En boucle. Colombe. Colombe. Colombe. Colombe. Mam! Ok, ben tiens, bon. je vais finir sur un combat des deux oiseaux qui... Je vais mettre les deux sons d'oiseaux ensemble, c'est comme si ça serait un combat. Parfait. C'est bon, ça?